7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. 7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Ce soir, j'ai le cœur dévalisé. Je suis naufragé. J'ai perdu ma route. Je parviens même pas à réaliser. Paralysé. J'ai perdu ma route. Quand tout fait mal, comment se racheter? Dis-moi la douceur, combien ça coûte? On ne comprend pas comme un étranger. Je peux plus bouger, j'ai perdu ma route. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? Longtemps que le bonheur est en grève. Sur quel ciel pourrait-on s'aimer? Oh, tu vois, nos cœurs de grands bruits se taisent. Y a-t-il un mot qui nous apaise? Et ce mot si tu le connais? Dis-moi,

7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. We'll be right back. desperdicios que no usted lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa, dejando en mi camisa una ruta de besos que te lleva al mismo cielo. Ahí quédate sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo lento. Dame lento así con todo sentimiento. Ven pa' venir, no me dejes ir lento. Cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que vea salir el sol. No sé qué se adueña de mí, me pierdo en tu cuerpo. Quemo por tu fuego. En tu cintura quiero vivir, respirar de tu aliento, que me beses lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa, dejando mi camisa una ruta de besos, que me lleve al mismo cielo. Ahí pégate sin miedo, con malicia, dame de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo lento. Así con todo sentimiento. Ven pa' venir, no me dejes ir lento. Cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que haga salir el sol. Somos un solo cuerpo, bailando lento. Allez, Rancel Bandia, si vous venez d'arriver, la famille sous le soleil de la radio, ça fait du bien, puis comme vous pouvez le constater, le soleil est arrivé ce matin, et ça, ça fait plaisir. Et puis des bons plans, hein, en septembre du 22 au 26 septembre, le Festival de Loire est de retour sur Orléans et ça va faire du bien. Greg, de fun qui est connecté, salut mon poteau. Ah, ça me fait plaisir de voir des collègues de radio qui sont là. Bah oui, Franck qui réveille, 7h09. Et puis Luciano aussi qu'on a eu hier au téléphone, il va bien, ça va, il part aux États-Unis, on est un nouveau clip et un nouveau son qui arrive. Banda Sakuduro, coucou à toi mon poteau, Stéphane qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-Bresse. Salut Francky, merci d'être là le matin. Bah merci mon ami. Il y a un peu de monde qui arrive tranquillement, qui se réveille. Vous peut-être de l'autre côté de la radio. Belle journée, bon réveil, jusqu'à 29 degrés, ça c'est la très très bonne nouvelle. Oi, oi, oi. ça c'est le duo qu'il fallait écouter en 2000, hein, dans les années 2000, 2008, 2009, 2012, 2013, le carton pendant au moins 7-8 ans, puis toujours Lucenzo avec Big Ali, Vanda Sacudero, le tube planétaire, quel personnage Big Ali, puis Lucenzo bien sûr, coucou Alexandre Barrère hein, qui nous écoute sur Arc-en-Ciel Orléans, hein, on est là, salut la famille, merci Alex, on est en direct, 7h26, le soleil est de retour, et puis les hits aussi avec Don Omar qui arrive. La Soledad, Bandia, bon réveil. Salut à José qui part au boulot ce matin. Salut Francky, merci d'être là, de nous apporter le soleil. Bah ouais, quelle voix cassée ce matin. Heureux d'être là, et on est bien la famille là. Bon réveil, Soledad, Don Omar sur un arc-en-ciel. Un petit peu du côté de Brésil. Ah, celui-là, forcément, vous l'adorez. Notamment Dead, qui adore ça, du côté de d'Orléans. C'est pour lui ce matin, avec sa petite femme qui se réveille. Avec Nathine O'Mill. Et vous adorez ça sur un arc-en-ciel. Brandy, Monica qui arrive pour les souvenirs de Boy Is Mine. Et puis nos invités tout à l'heure, Maxime qui sera là, consultant spécialisé dans la gestion de petites entreprises. Et puis ils seront avec nos téléphones. La Jarry, les rockers, numéro 1 aux États-Unis, au Québec, au Canada, dans les studios de la radio, au téléphone. Bah ouais, ah ouais. Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você na ilha do sol. Na ilha. We'll be right back. volta para o meu cais. No coração ficou lembrança de nós dois. Como ferida aberta, na tatuagem. Oh, Mila, uma noite de amor com você. Na praia, no barco, no farol apagado. Um abandonado, uma grande alta astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar. Vendo estrelas saindo, vendo a noite passar. Eu e você, na ilha do sol. Ça me rappelle les matchs de foot là, les présentateurs brésiliens, vous savez quand ils marquent un but là, quand ils crient goal, et Valentino tombe là. Et puis lui, il arrive, vous l'adorez la radio, bah oui, il sera au Zénith d'Orléans avec Radio Arc-en-Ciel, ça c'est énorme. Le 21 janvier 2022, c'est Tony Carrera, tant qu'il y aura des femmes. Mais ah oui, il en faut des femmes. Nem um sorriso. Procuro em desespero um coração sincero e sem esperar vejo-te a ti. Enquanto houver mulheres, o mundo onde estiveres será um mundo bem melhor. Pois só faz ver a verdadeira luz do amor. Sur mon écran de verre, des hommes font la guerre. Au nom de quelle vérité? Mais jamais une femme qui ne prenne les armes. Nos enfants seront protégés. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme et l'amour sera le premier. Tant qu'il y aura des femmes, il y aura des étoiles pour nous montrer la vérité. Vous a laissé faire, mais tout est à refaire. Qu'avez-vous fait de notre fille? Maintenant, laissez la place. Vous verrez où elle passe. Elles en feront un paradis. la vérité. Sera sauvé. J'adore ça. Tony Carrera, tant qu'il y aura des femmes, il en faut. Bah ouais, beaucoup de femmes qui nous écoutent ce matin. Isabelle qui est connectée du côté de Saint-Jean-de-Braye. Braye. Salut Isabelle, belle journée à toi Francky. Bah ouais, vous aussi. Allez, un peu de sport le matin. Peut-être que vous, avant d'aller travailler, vous faites du sport. Et tant mieux, c'est bon pour la forme. Et il en faut du sport. Maintenant que les salles de sport ont réouvert, et bien ça fait du bien. Et puis le meilleur des souvenirs dans les années 2000. Ce tube interplanétaire, forcément, du côté de Ibiza, vous avez dansé là-dessus. Ouais, salut la famille, hein. Avec Eric Prydz, avec Call on Me, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. 7h37 minutes. Bon réveil et belle journée sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Pour me joindre en direct, 02 38 43 48 00. Il sera notre invité tout à l'heure, 8h15, 8h30. C'est un consultant spécialisé dans la gestion de petites entreprises. C'est Maxime. Et puis les rockers de la Jarry, numéro 1 aux États-Unis, au Québec, au Canada, seront nos invités au téléphone à 8h30. Le groupe La Jarry d'Olivet en direct. Ne ratez pas ce bel interview à 8h30. Et ça y est, c'est parti. Ça me rappelle à l'époque, vous savez, Gym Tonic là, avec les deux là, les Véronique et Davina, on allait chercher les noms. Le matin, le dimanche, on se levait pour faire les gestes devant la télé. On était ringard à l'époque. Hein. Mais bon, ça fait du bien. Faites du sport le matin, bougez-vous. On est en live. 7h38 minutes. La météo qui arrive. La météo. La météo aujourd'hui, le ciel est dégagé, bleu. Ça fait du bien. Du soleil toute la journée. Avec des températures qui sont plutôt pas mal. Au lever du jour, 16 degrés. On va frôler quand même les 29, 30 degrés. C'est vrai qu'hier, il a fait super, super chaud. Bah justement, pour vous rafraîchir, histoire de passer quelques heures ensemble au bord de la piscine avec un petit cocktail sans alcool, bien sûr, le matin. Bah oui, c'est important. Un petit jus de banane, pourquoi pas. C'est Brandy, Monica en 97. The boy is mine. Bon réveil, bande à la famille. Oh yeah, definitely, I know his name. I just wanna let you know that he's mine. No, he's mine. piscine là tranquille en train d'écouter de la musique. Ouais, je suis bien, je suis au bord de la piscine aujourd'hui. On a une super piscine à la radio et franchement je suis vraiment au top. Merci d'être là Magali du côté de Saint-Jean de Laruelle. Salut Francky, merci pour ce vieux titre. Vieux, ouais, comme moi, bah ouais, c'est ça, l'année 97. Les deux frangines là, Brandy Monica, The Boy Is Mine, et puis elle arrive, Kylie Minogue. C'est vrai que c'était l'effigie des gays à l'époque, on l'adore aussi sur cette belle radio couleur. Quel tube interplanétaire à l'époque, rappelez-vous, dans les boîtes, dans les années 90, elle cartonnait la belle Kylie Minogue avec The Better, The Devil, You Know, sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil! j'adore la belle Kylie Minogue, The Better the Devil You Know. Et puis cette belle reprise de Goldman par Mel Groove en 97. Pourquoi je saigne mais pas toi? Voici les Mel Groove. Bon réveil et belle journée sur la radio couleur. Quoi que je fasse, je sois, rien ne t'efface. Je pense à toi. Quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne et pas toi. Graver l'écorce jusqu'à saigner. Toi, pourquoi je saigne? Bah oui, bah, pourquoi je saigne et pas toi? Bah c'est pas normal, Francky au boulot. Bon dia. 9h, il vous accompagne au boulot, c'est Francky. Et ouais, je viens d'attaquer un sujet délicat là sur les discothèques. Vous savez que, alors je vais parler vite fait, hein, je vais en parler, hein, je vais pousser mon coup de gueule aujourd'hui. Les aides sont tombées hier pour les discothèques, les restos, les bars. Alors à la base, les discothèques avaient, les petites discothèques notamment, avaient 10 000 euros, vous savez, 10 cas pour payer toutes les charges, hein, électricité, téléphone, loyer, très chargé, les assurances, etc., tout ce qui va en charge fixe. Et hier, la grosse surprise sur la déclaration, eh bien, il n'y a plus de 10 cas, maintenant c'est 20% du chiffre d'affaires. Alors quand vous êtes un gros club, vous faites 3 millions d'euros, bah c'est bien 20%, mais quand vous êtes un petit club qui fait un petit chiffre d'affaires, je peux vous dire que les 20% c'est pas grand chose. Voilà, donc là c'était vraiment le coup de gueule de Francky ce matin pour les petits clubs de France, les petites discothèques, qui certains vont prendre la décision de rouvrir plus tôt que prévu parce que bah ce qui tombe là ça va pas du tout couvrir, mais alors pas du tout. Hein. Voilà, c'est un peu bizarre parce que il faut être honnête, hein, on était toujours en fermeture administrative au mois de juin, donc on voit pas pourquoi le montant a changé. Enfin bref, c'était un petit coup de gueule du matin. Notre invité tout à l'heure à 8h15, c'est Maxime qui est là, consultant spécialisé dans la gestion de petites entreprises. Il sera notre invité vers 8h15, 8h30. Et puis les rockers de la Jarry, vous les connaissez, ils sont d'Olivet. Ils ont tourné un super clip hier à Orléans et à Changi. Et ça me fait plaisir de les avoir au téléphone. Ils cartonnent aux États-Unis, au Québec, ils sont numéro 1 et dans toutes les radios là-haut. Et je peux vous dire, au téléphone tout à l'heure, ça va démonter parce qu'ils seront aussi au parc du Poutil à Olivet en exclusivité. C'est samedi à 21h30. Bah ouais, pourquoi pas. Et c'est gratos, allez faire un tour, vous allez voir. Ouais, c'est magnifique. Joël qui est là. Salut Jojo. Comment il va le Jojo? Sous la douche peut-être, en train de vous laver. Ouais. Astiquer un petit peu, hein, il faut faire du bien ce matin. Salut à Steve. Steve qui travaille ce matin, place du Marcoing. Francky, je suis en train de faire des pains au chocolat. Ah, bah ramène-en à la radio, Félias. Coupin Libre qui arrive avec Soirée Mente sur Radio Couleur. Bougez pas, la famille. 7h, 9h. Francky le matin. sur Arc-en-Ciel. Et c'est bien. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Et c'est Francky dans la radio avec le meilleur des souvenirs, si j'arrive à appuyer sur les boutons. George Michael qui nous a quittés il y a quelques 3 ans je crois. C'était la veille de Noël avec un tube planétaire. Fats Love, c'est sur votre radio couleur. Bon réveil et belle journée. Et le smile ce matin avec le soleil. Et jusqu'à 29, 30 degrés aujourd'hui. On va bronzer, on va bronzer. Bon dia la famille. J'adore ce mec, ouais, dommage qu'il soit mort. Ah ouais, c'est dommage, hein. Maxime qui nous écoute, salut, salut Christelle, salut Catherine, salut Case Beauté, je t'écoute, appelle-nous Case, tiens, si on pouvait t'avoir au téléphone. Et puis moi j'aime bien les artistes hein, qui ont marché en 2000, 98, 99 et 2000, et puis qui maintenant ils sont plus rien. Bah j'ai envie de les aider parce que, en fait, j'aime pas elle, mais je l'aime pas, voilà, je sais pas pourquoi, je l'aime pas. Mais c'est la Russo qui arrive, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai des problèmes avec la Russo. En tout cas, je voulais lui filer un coup de main, un euro, voilà, avec cette chanson qu'on adore sur Radar Franciel, mais je l'aime pas. C'est comme ça. Voici, tu m'oublieras sur la radio couleur. Tu vois autour de mon cou. j'avais jamais vu le clip. Je suis en train de le mater en même temps. Ouais. Ouais, bah elle est pas terrible, hein. On l'a oublié. C'est dommage. C'est dommage, la Russo. Eh ouais, fallait pas jouer avec le feu. En direct à la radio, ça me fait plaisir. Case Beauté qui est là. Grosse pensée au boulanger avec la chaleur qui commence à arriver. Bah ouais, ça arrive. Le collectif aussi. Salut, allez, c'est bon, c'est fini la Russo. C'est bon. 7h. Ça mute les conneries, hein. Francky, le matin. Sur Arc-en-Ciel. Eh ouais, eh, c'est votre brosse à dents qui est là ce matin pour vous réveiller. Voici le collectif. À 8h04 minutes, on est heureux de vous retrouver. On va s'aimer, on va chanter, on va danser la danse au French du collectif Petit Z qui sont en pleine tournée en ce moment. Et Maxime qui vient d'arriver dans les studios, il sera notre invité dans moins de 10 minutes. Et puis là, j'arrive, les rockers en relais qui sont tout à l'heure avec nous au téléphone. Et ouais, ça va cartonner. Ils vont partir bientôt aux États-Unis, au Québec. Le nouveau clip a été tourné à Orléans hier et ça sera l'exclusivité. Il va nous en parler Benoît qui sera avec nous au téléphone aux alentours de 8h35, 8h40. Le maire son double oisil qui arrive avec Alex Verly, bala bala, belé belé, ça forcément vous connaissez, vous avez fait la fête en 2017 là-dessus forcément. Et ouais, pour Stéphania qui nous écoute du côté de Saint-Jean-de-Bray. Salut Francky, belle journée à toi. On pense à la radio et on pense Forza Portugal. Et ben voilà, bon dia à la famille, 8h03 en direct. Quando gente então fazer assim, ó. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Cantando comigo mais ou menos assim. Para, para, para. Ah ouais, vous chantez forcément dans la voiture, sur la tangentielle, en Brésil, quel souvenir 2013, avec Alex Ferrari, bala bala, bélé bélé, et la météo aujourd'hui, eh bien c'est plutôt pas mal, on vous en parle. La météo. La météo pour ce 20 juillet, et ça passe en 20 juillet déjà, bah ouais, bientôt la rentrée. Quand on voit les pubs là, des cartables et des cahiers, bah ça fait flipper quand même. Hein. Dans quelques minutes, il sera notre invité, c'est Maxime dans les studios de la radio, un consultant spécialisé dans la gestion de petites entreprises. Il va nous parler de son job et ça nous fait plaisir de le recevoir. Côté ciel, eh bien ce matin, c'est plutôt pas mal. On a démarré avec 16 degrés, on va frôler les 29, 30 degrés avec du soleil, encore du soleil. Et profitez parce que normalement, j'ai dit bien normalement, si Météo France ne change pas d'avis, ce week-end ça va être mitigé entre nuages, soleil et pluie. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Bon, il en faut des mauvaises nouvelles le matin. Et puis du son qui arrive, ils sont toujours le numéro 1 des clubs. On les aura peut-être avant 9h au téléphone. Ils sont en plein en studio en ce moment. C'est la famille du collectif Métissé. C'est le nouveau hit avec Baila Kuduro. Et puis Maxime qui arrive dans moins de 10 minutes. Et puis la Jarry, les rockers orléanais. Depuis le Québec, bientôt pour eux, bientôt les États-Unis en exclusivité sur Radio Arc-en-Ciel. Baila Kuduro. Tu me dis que allez viens on va manger. Tu me dis que tu veux t'éclater, c'est ta liberté. Tu me dis que allez viens on va chanter. Allez. Oh, oh, oh. Es una fiesta loca. Danza Latino, dans moins de 4 minutes, il arrive en direct, il est dans les studios. Maxime, consultant spécialisé dans la gestion de petites entreprises. Et là, forcément, vous adorez Bruno Mars avec 23rd Magic. Bruno Mars sur Radio Couleur. On est bien ce matin sous le soleil et ça c'est la très très bonne nouvelle. La deuxième, c'est notre invité qui arrive. Et ouais, 8h15 pile poil du matin. On est bien. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est Maxime. Et ouais, maintenant et jamais, je l'accueille. Maxime, bonjour Maxime, 8h15. Bonjour Franck. On est en direct sur Radio Arc-en-Ciel Orléans. Bienvenue sur la Radio Couleur. Est-ce que ça va, Maxime, ce matin? Ouais, ça va très bien. On a ça... le beau temps. Et puis, bah, c'est gentil de m'accueillir ici. Bah, quand tu veux, nous, c'est une famille. Je viens de recevoir un message de la Jarret qui me dise, je t'appelle à 8h35. Voilà, comme ça, au moins, on sait à quelle heure on va prendre l'antenne. Exactement. Et, alors Maxime, mode Covid, ça a été, le Covid? Alors, ça a été, enfin, c'est comme tout le monde, hein. C'est une façon de parler, hein, quand je dis ça. Un peu particulière, quoi. Ouais, ça, ouais. Pas facile de tous les jours, hein, malheureusement. On pense notamment à tous les gens qui sont encore fermés, notamment beaucoup de discothèques à Orléans. Et puis en France aussi, hein, 30% des discothèques ont ouvert. Ouais. Le monde de la culture. La culture. Ouais. C'est... Bon, je salue mes potes des salles de sport qui ont réouvert il y a très peu de temps. Ils ont restaurateurs. Ouais, il y en a tellement. On va pas faire tout le tour, hein, sinon on n'a pas fini. Hein. Maxime, consultant spécialisé dans la gestion de petites entreprises. Alors d'abord, avant de parler de ton job que tu fais avec cœur, je pense, et je suppose, et j'en suis sûr même. Ouais. Pourquoi avoir choisi cette voie, job aujourd'hui? Tu faisais quoi avant, alors, ou alors ça a toujours été ta passion? Non, alors en fait, j'étais dans la grande distribution alimentaire pendant toutes ces années, un peu plus de 10 ans, hein, et je me suis ennuyé au quotidien dans mon métier. C'était quoi la routine? Non. Ouais, je sais pas, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir... De créer peut-être aussi, non? Ouais, de créer, d'avoir différentes responsabilités, je me nourris de tout ça. Ah ouais, d'accord. Et donc j'avais un ennui profond depuis plus d'une dizaine d'années, et puis je suis petit-fils d'artisan menuisier, et mon grand-père était seul. Et tu voulais pas prendre la relève, là maintenant, ça te disait pas? Justement, il s'est lancé à son compte et il n'arrivait pas à se financer ou se rémunérer comme il voulait, et il travaillait beaucoup, et du coup, les week-ends en famille, il les passait à dormir sur sa chaise. Ah ouais, c'est vrai. Et donc, à un moment donné, j'ai fait un point avec ma femme, j'ai dit voilà, je peux pas continuer comme ça, je peux pas continuer à m'ennuyer constamment, et j'ai fait le rapprochement de ce que j'ai vécu professionnellement, personnellement, et je me suis dit, bah voilà, mon job, c'est de vouloir accompagner les petites structures, parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 90% du tissu économique français, quoi, et de faire en sorte que ces patrons vivent correctement de leur art. Justement, tu parles de ces petites entreprises, ces patrons. Est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui d'avoir une petite entreprise par rapport au gros qui domine la planète, on va dire? Ouais, alors c'est ce que je dis souvent. Pas facile, une petite entreprise. Alors c'est ce que je dis souvent, d'être une petite entreprise, c'est difficile parce que souvent on est seul ou il y a très peu de structure, donc du coup on a plusieurs casquettes en tant que patron. Alors que sur les grosses structures, il y a d'autres difficultés, c'est que aujourd'hui il y a une gestion managériale importante, souvent des gros services, beaucoup de salariés. Donc je crois qu'on a tous nos difficultés, mais l'important c'est de penser à 90% de notre tissu économique français. C'est ça. Consultant spécialisé en gestion de petites entreprises, on va en parler avec toi. Alors ton job c'est quoi aujourd'hui? Moi j'ai une petite entreprise, est-ce que je peux faire appel à tes services? Comment que ça se passe? Alors, c'est par rapport à un problème de gestion, par rapport à... Alors, la première chose qu'on fait quand on rencontre un patron, c'est que, déjà, on prend le temps de boire un café avec lui. Voilà. Comme là, ce matin, t'as vu, on a 7 euros. Pour échanger un peu sur nos métiers et nos entreprises. Et voir ce qui l'a motivé réellement à créer, hein, parce que souvent quand on devient patron, c'est pas par hasard, on a des motivations sous-jacentes. Bah souvent c'est parce qu'on aime ça. Il faut être honnête, un petit patron aujourd'hui c'est pas facile. Moi je sais de quoi je parle, et je peux te dire des fois c'est pas rose tous les jours. Hein. Donc on échange ensemble de son métier, de son parcours, de ce qui l'a fait vibrer, de ce qui l'a motivé pour en arriver là. Et puis après, ce que je fais moi, c'est que je fais un diagnostic d'entreprise. Je vois les forces et les faiblesses de l'entreprise, et derrière je lui restitue ce diagnostic. L'objectif, c'est quand même de l'accompagner pour qu'il puisse réaliser ses projets et ses rêves professionnels. Parce que c'est vrai que d'améliorer la gestion, c'est bien. Gagner plus d'argent, c'est bien. Mais pour quelle raison, en fait, hein? C'est ça le but. Hein, c'est comprendre pourquoi. Quels sont les projets du dirigeant aujourd'hui? Donc le but, c'est quand même de réaliser ses projets et ses rêves professionnels et personnels. Alors, ils vont être divers et variés. Certains vont vouloir travailler moins parce que malheureusement, ils sont séparés. Ils vont voir récupérer les enfants le fin de semaine. D'autres, c'est parce qu'ils veulent une belle voiture. D'autres, c'est parce qu'ils veulent un gros salaire. D'autres, c'est parce qu'ils veulent plus de vacances. Enfin, il y a mille et une raisons. Peu importe, le tout c'est de réaliser ses projets et ses rêves personnels. Mais comment bien les réaliser alors? Un gros salaire, une belle voiture, tu dis, mais bon, tout ça c'est un peu dans les rêves aussi. Quand on est petit patron, ça c'est quoi pour toi la priorité aujourd'hui? Est-ce que la bagnole c'est important? Est-ce que le gros salaire c'est important? Est-ce que plutôt développer son entreprise c'est beaucoup plus important qu'avoir une belle bagnole ou un gros salaire? Alors on a chacun ses priorités, hein, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, ta priorité peut-être toi c'est d'avoir une belle voiture, j'en sais rien. Non, moi ça va, moi, j'ai une bagnole, ça va. Voilà. Ça suffit, ouais. Ma priorité à moi c'est peut-être de travailler moins tout simplement, pas forcément gagner plus. Hein, c'est ça ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est le plus important, c'est de comprendre pourquoi le patron est devenu patron, quelles sont ses problématiques actuelles, et faire en sorte qu'il puisse les réaliser à moyen court terme. Alors comment aider un patron aujourd'hui? Toi t'arrives, c'est quoi tes solutions? Qu'est-ce que tu lui proposes? Donc, aujourd'hui, tu me dis on boit le café, après on parle de quoi alors? On ne va pas boire le café toute la matinée. Non, effectivement, on parle quand même de nos métiers, on parle de nos problématiques, on parle de nos projets et de nos rêves. Donc aujourd'hui, moi je fais partie d'un réseau qui s'appelle Rivalis. Ce réseau est né il y a 27 ans de la part d'un artisan et c'est issu un peu d'un coup de gueule. C'est-à-dire que ce patron, qui était patron d'une concession à l'époque, il était aussi conseiller prud'homal et dans de nombreuses associations. Hein, donc, et il s'est dit, aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que parmi ces petites entreprises, il y en a 50% qui déposent le bilan par manque de gestion et 50% par manque de business. Il dit pas assez de clients, c'est ça. Voilà. On pourrait traduire un peu à ceux qui nous écoutent. Ça le touchait profondément. Il s'est dit, on peut pas rester comme ça. Il faut qu'on aide les petites entreprises. Au moins ces 50% pour qui c'est un problème de gestion. Mais Jean-Charles, il pose une question. Excuse-moi de te couper. Oui. Il dit, est-ce que vraiment les petites entreprises on les aide sur la création, par exemple, un patron qui vient de créer sa société, est-ce qu'il est vraiment aidé par l'État français aujourd'hui? Alors, il peut toucher des aides, oui, notamment quand il est ancien salarié avec Pôle Emploi, l'ACRE, etc. Il peut t'aider, la CCI aussi aujourd'hui. Ils ont des possibilités. Le conseil régional aussi donne des aides pour certaines entreprises. Alors bien sûr, il faut rentrer aussi dans des critères. Après, on peut aussi aujourd'hui faciliter ces créations d'entreprises en étant organisme de formation et en utilisant parfois le CPF pour former pendant quelques jours, une semaine, enfin un certain nombre d'heures de personnes pour la lancer. Il y a des choses à exploiter, oui, effectivement, qui sont disponibles. Donc ton job, c'est d'aider l'entreprise, de lui filer un coup de main pour qu'elle fonctionne, d'analyser cette société avec le futur patron ou le patron. Oui. Là, vous posez tout sur table et vous analysez quoi? Les charges, le personnel, etc. Exactement, on a un trinôme. Donc le diagnostic de base, il est basé sur le bilan comptable précédent. S'il n'y a pas de bilan comptable, c'est une création. Effectivement, on fait un détail de toutes les charges. Et puis, on fait des points chiffrés, non chiffrés, tous les mois, sur la marge, les achats, le taux horaire, le coût horaire, la masse salariale. On regarde aussi... C'est simple, notre méthode permet aujourd'hui, c'est une méthode en tripartie, où il y a le pilote, qui est le patron d'entreprise, le copilote, moi, et un outil de gestion qu'on met à disposition, qui permet de répondre à 6 questions. J'en suis en termes de rentabilité à l'instant T aujourd'hui, quand j'ouvre la boutique. Où je vais si je continue comme ça en termes de rentabilité? Est-ce que mes clients me payent? Est-ce que je suis rentable? Et est-ce que je peux investir? Est-ce que je peux embaucher? Voici donc, les 6 questions à laquelle on aiderait à répondre au quotidien. Ton job, c'est ça, répondre à ces questions. En gros, c'est des chiffres. Et à la fin, on dit, tu peux, là, tu peux pas, là, tu essayes de faire ça, essayes de faire ci, c'est un peu ça. C'est une aide à la prise de la décision, exactement. Et alors, ça fonctionne ou pas? Oui, ça fonctionne. Il y a des résultats aujourd'hui. Concrètement, il y a des résultats dans le réseau. C'était une augmentation. Alors, j'ai pas les chiffres exacts. Non, bien sûr, on veut pas de chiffres forcément. Ce que je voulais savoir, c'est que moi, je suis patron, je fais appel à toi. Au bout de quelques temps, on peut avoir des résultats. Oui, bien sûr. Là, tu interviens, tu dis, il faut pas faire ça, il faut faire ci, plutôt baisser les coûts, les marges, etc. C'est ton job. Mon objectif, c'est quand même pas de baisser les coûts. C'est d'optimiser l'entreprise pour qu'elle soit rentable avec sa structure. Combien de temps pour gérer tout ça, toi, de ton côté, une société, une petite société? Alors nous, on part toujours sur au moins 24 mois d'accompagnement, parce que aujourd'hui, en fait, ça dépend aussi de la structure, dans quel état on la prend à l'instant T, mais ça dépend aussi quels sont les projets du patron et la respi du patron. Ouais. N'oubliez pas qu'on est à trois, quoi. Il y a le copilote, le pilote. Là, il y a beaucoup de patrons qui nous écoutent, parce que je sais que sur Radio Arc-en-Ciel, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent à leur compte. Et je sais que le matin, on est beaucoup écoutés par les sociétés. Je salue Polo Rivero qui est là. Salut mon Polo. Ça doit peut-être l'intéresser. Alors forcément, là, tu me parles d'aider les patrons, de faire plein de choses pour eux, mais ça a un coût, tout ça. Oui, c'est un coût. Aujourd'hui, c'est un coût qui se détermine lorsque je fais le diagnostic. La taille d'entreprise. Ça dépend de la taille d'entreprise, effectivement. C'est vrai qu'un quelqu'un qui a 5 personnes, quelqu'un qui a 20 personnes, c'est pas pareil. Je vais pas passer autant de temps avec eux. Potentiellement, sur des grosses entreprises, ça m'est arrivé, on se voyait 2h30, 3h par semaine. Des fois de 5 à 8, parce que ça arrangeait le patron aussi, clairement. Tu finis beaucoup de noms comptables, quand j'y pense. On est l'intermédiaire, enfin on n'est pas intermédiaire, mais aujourd'hui les comptables sont quand même des partenaires importants pour nous, parce que... Ils sont un peu débordés aussi en ce moment. Oui, et dans la gestion, on a souvent besoin des chiffres du comptable, donc le comptable est un partenaire. Ouais. Et on a besoin des deux. Et la relation comptable, il est pas trop jaloux, le comptable? Il dit, il prend ma place un peu, non? Sa place, oui, non. Moi, je fais pas la comptable, je suis pas expert comptable, j'ai pas cette prétention-là. Par contre, effectivement, j'ai besoin de leurs chiffres pour avancer et qu'on avance avec le patron. Ouais. Comment on fait pour te contacter, Maxime, sur les réseaux? Demain, je suis un chef d'entreprise, qui a envie de faire appel à tes services pour me dire, j'ai besoin d'un coup de main, je me sens faible en ce moment. Moi, perso aussi, ça pourrait me tenter, d'avoir besoin d'un coup de main, parce que nous, on est des jeunes chefs d'entreprise, entre guillemets. Et puis, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous épaule derrière. On fait comment pour te contacter? Moi, c'est simple, vous me trouverez sur Facebook, beaucoup Maxime, très actif sur Maxime Facebook. Comment? Maxime Boulet. Voilà. Comme le boulet. Comme c'est le boulet. Plus facile à porter Catherine. J'espère que t'es pas un boulet, parce que. Voilà, en tout cas, des bonnes solutions que tu peux apporter aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, de pouvoir gérer votre société un peu. un peu mieux, ou alors d'évoluer aussi, parce que certains ont besoin d'évoluer, ils n'y arrivent pas. C'est vrai, hein, je connais des entrepreneurs, ils stagnent, et ils trouvent pas des solutions. Ils disent, bah, comment je pourrais faire pour faire ça aussi? Bah, là, t'as peut-être la réponse qui est en face de moi, Maxime, avec toi. C'est ça? Ouais, on fait un brainstorming, ouais, c'est important. De toute façon, aujourd'hui, c'est super enrichissant, hein. C'est ça aussi la vraie valeur de mon métier, c'est qu'on rencontre plein d'entrepreneurs avec plein de projets, plein de problématiques différentes, et aujourd'hui, on se nourrit de ça. C'est très important, c'est très intéressant. La première des choses, quand tu rencontres le chef, le patron, tu fais quoi, à part le café? Bon, un café, il n'y a pas de problème. Ça, tout le monde peut en boire des cafés. Non, mais comme je disais, on fait ce qu'on appelle une découverte, quoi. Ouais. On échange sur son entreprise, comment elle est structurée, combien de salariés, aujourd'hui, quelles sont ses problématiques, quelles sont là où il veut aller, c'est quoi ses priorités du moment, aussi, voilà, sur toutes ces Les entreprises que tu as le plus, c'est lesquelles? Alors, c'est les entreprises qui vont déposer le bilan, non, peut-être, qui sont en difficulté, ou alors c'est des gens qui veulent évoluer, ou qui savent où ils en sont. J'ai de tout. J'ai des gens qui sentaient que leur entreprise en avait sur le coude, mais ils n'avaient pas tous les tenants et les aboutissants pour la faire performer. Ils n'avaient pas de problème particulier en soi. Je travaille, pour répondre à la première question, vraiment beaucoup les entreprises du bâtiment, des artisans du bâtiment. On les salue, hein, tous nos amis portugais qui nous écoutent ce matin. Bah, il y en a beaucoup, malheureusement. Voilà. Heureusement, sur cette belle radio couleur. Les artisans du bâtiment. Et j'ai des entreprises, des gens qui ne gagnent pas autant que ce qu'ils voulaient, qui ont parfois effectivement failli déposer, avoir la catastrophe, parce qu'ils ont évolué très très vite. Ça, c'est souvent le cas. On va trop vite, et après, on n'arrive plus à suivre, on sait plus où aller. C'est ça. Parce que ça va trop vite. Et là, t'as la solution, quoi. Voilà, on a la solution, la visibilité. On va t'appeler, non? J'ai tous les cas, j'ai pas forcément que des cas, il faut pas toujours attendre qu'on soit un petit peu dans le rouge, pour faire appel, et des fois, ça peut être aussi des aides ponctuelles, hein. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se voir tous les mois, on peut gérer pour avoir des aides un peu plus ponctuelles. Ouais. On peut répondre à une question de Steph. Le coût, c'est combien le coût? C'est ce qu'elle me dit. À peu près une fourchette. On va pas donner un tarif. On peut pas donner un tarif comme ça. Tu vas pas me dire, voilà, ça peut entre temps et temps, je pense, sur quelques mois. Voilà, suivant la taille de l'entreprise, ça sera entre 290 euros hors taxe et 590 hors taxe. Ah, ça va, c'est jouable. Franchement, si ça peut aider une entreprise, la faire évoluer, moi, franchement, moi, je te reconnais bien le coup. Hein. Ça me tente bien, ça. Moi, je suis intéressé. Franchement, on en parlera en antenne, si tu veux bien. Ouais, tout à fait. Ouais, ça me fera plaisir, parce que moi, je suis un nouveau chef d'entreprise, et puis, des fois, avec les heures qu'on passe, et puis surtout que l'État français ne nous file pas un coup de main. C'est ça, et puis, t'as multiples casquettes aussi. Hein. Ouais, multiples casquettes, et moi, je vais pas repousser mon coup de gueule sur les aides ce mois-ci, parce que là, ça... Hein, ils nous l'ont mis un peu à l'envers, là, sur les aides discothèques ce mois-ci. Hein, ouais. Mais bon, en tout cas, un dernier mot peut-être à rajouter, Maxime. On peut te retrouver sur Facebook, LinkedIn. Et puis, n'hésitez pas à me contacter, ne serait-ce que pour se rencontrer déjà dans un premier temps. Déjà. Ça vous coûtera un café. Un café, le premier rencard, et il peut peut-être sauver votre entreprise, ou vous aider, ou vous faire progresser. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la matinée. Vous qui êtes chef d'entreprise, vous vous dites, j'aurais besoin de lui. Eh ben, vous nous contactez à la radio, 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Et puis, avec plaisir, je vous donnerai les coordonnées de Maxime, et puis s'il peut vous sortir de là, ou alors vous aider, vous faire progresser, ben pourquoi pas, Maxime. Un petit mot à rajouter, Maxime? Eh ben, merci à toi de l'accueil pour ce matin, et puis n'hésitez pas. Et moi, ce que je te propose, c'est si on trouve un chef d'entreprise qui accepte qu'on vienne tous les deux à la radio, et qu'on fasse un sorte de bilan, tu vois, en direct un peu, mais en dégrossissant, on va pas sortir tous les dossiers. Non, mais ça serait sympa. Ouais, y a pas l'avant et l'après. Je peux même éventuellement proposer à quelqu'un, avec moi. D'ailleurs, j'en vois un, là. Normalement, j'avais rendez-vous avec lui à 9h, j'ai décalé un petit peu. Mais ça va arriver. Parce que moi, je suis pile poil à l'heure. Il est 8h30, 29. On a la Jarry qui arrive au téléphone dans 6 minutes. Et en tout cas, une belle personne, Maxime, aujourd'hui. Notre invité consultant spécialisé dans la gestion de petites entreprises. Ça peut-être vous aider, vous sauver, ça se trouve, ce matin. Eh bien, n'hésitez pas à m'appeler 02 38 43 48 00 et je vous donnerai son numéro, son lien, et vous pourrez le contacter si ça vous intéresse. Maxime, allez, merci pour l'accueil. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt, pourquoi pas, avec un client. Avec plaisir. On se contacte. Hein. Ouais, ça marche. La Jarry, tu connais le groupe La Jarry un petit peu? Ouais, j'ai écouté un petit peu. Ouais, c'est du lourd. Alors, tu vois, ce qui est dommage en France, c'est que le rock est un peu en train de se perdre, entre guillemets, le rock français. Même les grosses radios ne jouent quasiment plus les rock français. Ouais. Ils ont été obligés de s'expatrier aux États-Unis, au Québec, mais là-haut, ils font un tabac. Quand je dis un tabac. Ah ouais. Hier, ils ont tourné un nouveau clip. C'est les États-Unis qui ont demandé. Les Américains leur ont demandé un clip pour une grosse chaîne de télé, et du coup ils sont venus le tourner à Orléans, à Changi. Voilà, et ça m'a fait vraiment plaisir. On leur au téléphone, Benoît le leader, dans moins de 5 minutes. Merci Maxime. Merci, allez, à bientôt. Bonne journée sur Radio-Français. Salut.

la luna llena. Invítate a bailar y contigo jugar, a quitarnos la ropa que se puede esperar. Y seguimos ofreciéndote flow electrónico tropical. En esta ocasión, Charlie Rodríguez, Cristian Deluxe, Soul. Radio Conciel, bon dia la famille, 8h37 du matin, juste avant de rejoindre la ville d'Olivet, la Jarrie qui arrive. Soyez sages, soyez prudents sur les routes, sur la tangentielle, je sais que ça bouge un peu. Voici de la pop rock, de Portugal. Sou o único que te aborda. Mas quero ser aquele que te acorda. Não me importa que evites, que grites, que piques, que digas que eu sou isto e aquilo. Vivo num vacilo, porque sei o que é preciso para tu tocares, gostares, olhares e pensares. Queres ficar comigo? Um embaraço de invadir o teu espaço. Estou aqui há dois minutos e só te quero nos meus braços. Nem sei o que tens quando vens. Fico bem e não há mais ninguém que eu queira. E tu sabes que eu adoro as tuas vaidades, que de mim só ouves verdades. Luís, eu preciso de ti, faço tudo para ficar contigo. Aqui por perto e sem ser discreto, perguntei-te o nome. Sorriste e sem hesitar, pedi-te o telefone. Subiste a meu ego, mas me deixe ele e falamos por horas. Luísa, quero te encontrar. O que é que eu faço agora? J'adore ça, la pop rock portugaise. Moi je connaissais pas, c'est pas mal hein. On est heureux de vous retrouver, l'invité du jour, il arrive, c'est Benoît de la Jarrie, on le prend tout de suite au téléphone. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et direction cette belle ville d'Olivet, on est avec Benoît, la Jarrie en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour Benoît. Bonjour à tous, comment ça va? Ah bah allons, quelle forme ce matin, t'es un lève-tôt toi. T'as vu un peu, tu me fais faire des choses hein. Eh ouais, hein, à mon avis t'as dû mettre ton réveil, je pense, non? Est-ce que tu élèves tôt toi Benoît? Je pense pas. Ça dépend des jours, ça dépend, parce qu'on est beaucoup en studio avec la Jarrie en ce moment, donc on se couche tard. On passe pas mal de temps et puis du coup on se couche un peu tard. Bon, alors on va parler déjà de ce live, c'est samedi à Olivet, au Poutil, concert. Ouais, c'est un concert qui nous fait plaisir en fait, parce que la Jarrie, nous on s'est formé il y a plusieurs années à Orléans, à Olivet, et puis tu vois, c'est un festival que la ville organise, et du coup on est très content de venir jouer samedi soir à 21h30. Mmh. C'est gratuit, ça va être une belle soirée, enfin voilà, tout s'y prête pour qu'on passe un bon moment. Bon là j'arrive, le retour sur scène, forcément après quelques mois d'absence, les tripes sont là, l'envie de revenir aussi, Benoît. Ouais, on a repris la tournée il y a quelques jours à Nancy, à Montélimar, etc. Et puis on enchaîne, tu vois, demain on est à Nevers, après dans la semaine on est à Valence, là dans le sud, Olivet le lendemain, le dimanche on sera au Mans, enfin voilà, ça reprend un peu, ouais. Pas complètement, contrairement à ce qu'on peut entendre, mais ça reprend un peu. En tout cas ça fait du bien au moral et ça fait du bien au public aussi, parce que vous avez manqué hein, ce public là, Jarrie. Ouais, ça fait vraiment du bien. Écoute, nous, on est des musiciens, c'est notre passion. Hein, donc, quand on te prive de ta passion, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est vrai. Hier, vous avez tourné le nouveau clip de la Jarrie, demandé par les States, les États-Unis. Vous êtes des stars là-haut, au Québec, aux États-Unis. Ouais, disons qu'on fait beaucoup de concerts. On a la chance d'être diffusé en radio aux US et au Canada, donc ça se passe bien. Et c'est vrai qu'on a pas mal de demandes. Donc, on a le nouveau clip là qui est le premier extrait du nouvel album qui va sortir un peu partout. Hein, ouais. Donc voilà. Pourquoi diffuser plus aux States, au Canada, qu'en France? Parce qu'en France, bon, vous êtes diffusé, mais moins, je pense. C'est des choix de. En fait, aux USA, au Canada, nous, on fait du rock. Donc, évidemment, ah ouais. c'est une musique qui est très médiatisée. Mmh. contrairement à notre cher et tendre pays où les groupes de rock sont un peu plus considérés comme des groupes de terrain qui font des concerts et moins mis en valeur sur les médias. Mais voilà, c'est comme ça, ça ne nous empêche pas de faire notre musique et d'essayer d'aller la faire le plus loin possible. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui en France en général il manque des radios qui jouent du rock, du vrai rock, de la pop rock? Moi je le pense, c'est indéniable. C'est vrai que quand tu écoutes les radios, beaucoup jouent la même chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que dans d'autres pays, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein, on a aussi des bons trucs chez nous, mais tu vois, dans d'autres pays, quand tu fais du rock, tu es joué sur les radios rock. Quand tu fais du rap, tu es joué sur les radios rap. Ouais. Voilà, c'est. On va y venir, les choses évoluent, on en a marre, là. Il y a trop longtemps qu'il n'y a pas eu de rock sur les radios françaises, donc ça va revenir. J'espère pour vous. Quelle différence avec le public français, le public aux États-Unis, au Québec? Il y a une différence? Les réactions sont différentes. C'est marrant, quand on fait des concerts, même dans d'autres pays, quand on va en Angleterre, ou des pays comme ça, les réactions du public sont un peu différentes. Mmh. Tu vois, en France, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est très chaud. C'est très très chaud, ouais. les gens aiment bien se rentrer dedans au concert. c'est du punk ça, non? Ouais, non mais on a un vrai public de terrain, de gens qui aiment aller au concert, qui aiment aller voir des spectacles. Et puis après dans d'autres pays, évidemment quand tu commences à jouer aux États-Unis, tout est multiplié, hein, même c'est par 10, par 15, par 20, que ce soit les audiences, le public. Ouais, c'est clair. Vous enregistrez vos titres dans votre studio, c'est Rudy Carme, je crois, c'est ça, Benoît? Oui, nous on est originaire d'Orléans, là Jarry, donc notre studio est situé en centre-ville d'Orléans. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on a la chance d'aller dans d'autres studios. Hein. Alors on m'a dit que vous aviez enregistré en Angleterre à Abbey Road, c'est le studio des The Beatles, est-ce que c'est la réalité ça? Ouais, c'est vrai, on a été à Abbey Road, à Londres, le fameux studio 2 des Beatles, le studio dans lequel ils enregistraient. Et puis un jour on a eu la chance de pouvoir faire un enregistrement là-bas, donc c'est un super souvenir, c'est des souvenirs de gamins. Tu m'étonnes. Ouais, c'est ça. Donc on rappelle, ce week-end à Orléans, le concert de la Jarry, venez les voir sur scène, c'est gratuit. Alors là, on ne peut pas faire mieux, hein, c'est à Holiday. Il faut venir parce que ça va vraiment être la fête, on a beaucoup de gens qui hésitent encore, qui se disent comment ça va se passer, etc. Mais vous pouvez venir tous sans crainte, il n'y a pas de souci. C'est gratuit, c'est en plein air. Voilà. On devrait justement avoir monsieur le maire normalement avant 9h, Mathieu, qui devrait m'appeler normalement, si tout va bien. C'est sympa quand même. Je vais dire qu'il a pas mis beaucoup d'affiches, je vais lui dire, Benoît. Ouais, on a été un peu limité en promo, mais on va se rattraper, on va faire la fête quand même. Bah. Ok, pas de problème, Benoît, rendez-vous samedi, moi j'essaierai de passer entre deux. Hein, à chaque fois je dis ça, mais je vais essayer, franchement, de tout cœur. J'ai envie de voir les rockers sur scène, j'ai envie de les voir. Il faut. On t'attend avec tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, évidemment. Et ben justement, j'ai retrouvé un titre dans la prog de Radio Arc-en-Ciel, Le Chat Noir. Ça te rappelle quelque chose? Ouais, c'est l'un de nos titres qu'on va jouer samedi. Hein. Voilà, et ben on va l'écouter. Merci, à samedi, Benoît. Merci, Franck. Belle journée, la Jarry. Salut, Benoît de la Jarry qui était notre invité au téléphone. Voici Le Chat Noir. Vous allez l'écouter sur scène samedi. J'ai des roses et une bague et un vibromasseur. C'est clair que notre histoire, elle sent-elle roussie. Lorsqu'un jour elle m'a dit, toi et moi t'es fini. Elle s'est barrée. Mes nuits chez mon ex-copine, les soirées PlayStation avec les potes jusqu'à minuit. J'ai voulu me racheter en l'invitant au cinéma, mais au moment de payer, ma tarte ne passait pas. Elle s'est barrée. Elle s'est barrée. Comme j'ai c'est dommage car on allait bien ensemble. Même si elle était petite et que moi je préfère les grandes. J'aurais jamais pensé qu'à la fin de notre histoire, comme cadeau de rupture, j'hériterai d'un chat noir. Elle s'est réparée. Elle s'est réparée. Allez, à Conseil, 8h46 minutes. Ils seront samedi au Poutil à Olivet en concert. La Jarry, les Orléanais. Et franchement, on est fiers parce que bon, faut dire qu'ils s'exportent aux États-Unis, au Canada, et on est fiers de les recevoir à la radio. Ça nous fait plaisir. Heureux d'être avec vous, c'est Francky, jusqu'à 9h. Ouais, ouais, avec du son caliente, histoire de bien vous sortir du lit. Si vous êtes sur la tangentielle, ouais, ça bouge un petit peu ce matin. Caliente avec Donovan et Zumba. Avec Donovan, les Zumba, hey, Zumba, oh, heureux d'être avec vous. Ah ouais, sous le soleil jusqu'à 29 degrés, ça fait du bien. Il sera au Zénith d'Orléans avec Radio Arc-en-Ciel. C'est le 21 janvier, c'est Tony Carrera sur la Radio Couleur. Oh, pleine douceur ce matin. Vous arrivez au bureau là, vous tapez à la porte. Et attends, j'attends la fin de la chanson quand même. Magnifique chanson Anthony Carrara au Zénith d'Orléans avec Radio Arc-en-Ciel le 21 janvier. Eh ouais, vas-y, vas-y Tony, fini. Non, je t'en prie, je t'en prie. La météo. La météo. Aïe, aïe, aïe, aujourd'hui c'est bien, du soleil et ça fait du bien au moral, ça fait du bien dans les cœurs. Les températures aujourd'hui vont monter jusqu'à 29-30 degrés. Toute la semaine ça devrait être plutôt pas mal, ça va peut-être se dégrader un petit peu ce samedi et ce dimanche, en espérant que la pluie ne vienne pas. On prie en tous les cas, on est heureux de vous retrouver, 7h-9h c'est Francky. Demain il y aura Fabien Dumas, notre chroniqueur dans la radio, on adore Fabien, franchement il nous fait des belles chroniques. Et puis Lionel qui arrive dans quelques minutes, et puis j'adore cette version de Claudio Capeo, il a repris Renaud, c'est Morgane de Toi sur la radio couleur, 8h54 minutes. Il y a un Mario, il a au moins 4 ans, il veut te piquer, t'appeler ton saut, ta couche culotte avec les bons becs dedans, Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder par ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer au docteur conventionné. J'y ai joué aussi, je sais de quoi je pose. J'y connais bien les playboys des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes donc, ils te font porter leur cartable. Heureusement, je suis là que je te regarde et que je t'aime. Tatouer des machins qui me font comme une bande dessinée sur la peau. J'écris ton nom avec des clous dorés, un par un planté dans le cuir de mon blouson dans le dos. T'es la seule gonzesse que je peux tenir dans mes bras, sans démettre une épaule, sans pied sous ton poids. Tu pèses moins lourd qu'un moine qui mange pas. Déploie jamais tes ailes, Lolita t'envole pas. Avec tes miches de rat, comme dirait des noisettes. Et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat. Tu risques de donner faim à un tas de petits mecs quand tu iras à l'école. Si jamais tu vas, Lola, je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Tu sais maman que je suis mon gars. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux un petit frangin? Tu veux que je t'achète un ami Pierrot? Les bébés ça se trouve pas dans les magasins. Et je crois pas que ta mère voudra que tu lui fasses un petit. Bien ensemble, je crois pas qu'on est déjà bien assez nombreux.